Josué chapitre 20. Puis l'Éternel parla à Josué en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, établissez-vous les villes de refuge desquelles je vous ai parlé par le moyen de Moïse. Afin que le meurtrier qui aura tué quelqu'un par ignorance, sans y penser, s'y enfuit, et elles vous seront pour refuge devant celui qui a le droit de venger le sang. Et le meurtrier s'enfuira dans l'une de ces villes-là, et s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville, et il dira ses raisons aux anciens de cette ville-là, lesquels l'écouteront, et le recevront chez eux dans la ville, et lui donneront un lieu, afin qu'il demeure avec eux. Et quand celui qui a le droit de venger le sang le poursuivra, ils ne le livreront point en sa main, puisque c'est sans y penser qu'il a tué son prochain, et qu'il ne le haïssait point auparavant, mais il demeurera dans cette ville-là, jusqu'à ce qu'il comparaisse devant l'assemblée en jugement, même jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qui sera en ce temps-là, alors le meurtrier retournera et viendra dans sa ville et dans sa maison, à la ville dont il s'en sera fui. Ils consacrèrent donc Kedel dans la Galilée en la montagne de Nephtali, et Sichem en la montagne d'Ephraïm, et Kirjatarba, qui est Hébron, en la montagne de Juda. Et au-delà du Jourdain de Jéricho vers le levant, ils ordonnèrent de la tribu de Ruban, Betsé au désert dans le plat pays, et Ramoth en Galara, de la tribu de Ga, et Golan en Bazan, de la tribu de Manassé. Ce furent là les villes assignées à tous les enfants d'Israël, et à l'étranger demeurant parmi eux, afin que quiconque aurait tué quelqu'un par ignorance s'enfuit là, et ne mourut point de la main de celui qui a le droit de venger le sang, jusqu'à ce qu'il comparût devant l'assemblée.